que je t'aime. Je mets du sourire partout dans les mots. Tu crois que je t'aime. Non, je ne me reconnais pas. Si je m'étais trompée sur moi, l'amour existe encore. Regarde-toi, regarde-moi, regarde-nous. J'ai changé de décor. Regarde-toi, regarde-moi, je t'aime, je trouve ça bizarre, je vois pas tes défauts. Je crois que je t'aime. Non, je ne me reconnais pas.